On ne juge pas un musulman apostat pour la conséquence de ses paroles ou de ses actes. La conséquence d'une parole ou d'un acte, en arabe, lazim, al-qawl, ou lazim, al-fi'l, désigne l'effet entraîné fatalement par une parole ou un acte donné. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah fut interrogé. Quant à la question, est-ce que la conséquence d'une doctrine fait partie de cette doctrine ou non? Ce qui est juste, c'est de dire que la conséquence de la doctrine d'un individu ne fait pas partie de sa doctrine tant qu'il ne l'adopte pas. En effet, s'il conteste et condamne cette conséquence, alors il serait un mensonge à son encontre que de lui attribuer. Mais cela prouvera par contre la fausseté de sa doctrine et sa contradiction. Et si la conséquence d'une doctrine faisait partie de cette doctrine? Il faudrait alors bannir de l'islam toute personne affirmant que l'établissement d'Allah sur le trône et autres attributs sont des métaphores et non des réalités. Car la conséquence de cette doctrine implique qu'aucun nom ni attribut d'Allah n'est réel. Ibn Hazm dit, quant à celui qui traite les gens de mécréants sur base de ce qu'entraînent leurs paroles, c'est une erreur, car c'est un mensonge à l'encontre de l'opposant, et c'est lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. Et même si cela lui implique, il n'en résultera qu'une contradiction uniquement, et la contradiction n'est pas une mécréance. Et même lorsqu'il fuit de la mécréance, en contestant la conséquence de sa parole, il aura très bien fait. Exemple, les Mu'tazila affirment les noms mais nient les attributs. Ça veut dire qu'ils disent qu'Allah sait sans science, qu'il entend sans audition, qu'il voit sans vue, qu'il parle sans parole, etc. Ils disent ça sur base de leur raisonnement qui est que Allah n'est pas une science et Allah n'est pas une parole. Or si ces attributs ne sont pas Allah, c'est qu'ils sont autres qu'Allah. Et si on dit que d'autres qu'Allah ont existé avec Allah depuis toujours, alors c'est du polythéisme, car on donne à Allah des associés dans l'éternité. Mais de l'autre côté, ils savent aussi qu'il ne leur est pas possible de nier qu'Allah sait toute chose et entend toute chose, car ils savent que sans ces noms-là, Allah ne mériterait pas d'être adoré. Alors ils ont voulu lier entre les deux en disant qu'Allah sait, mais sans science, Allah entend, mais sans audition, Allah voit, mais sans vue, etc. Qu'Allah nous préserve de l'égarement. Mais nous savons que lorsqu'on dit qu'une chose n'a pas de vue ni d'audition, cela entraîne qu'elle ne voit pas ni entend, et qu'il est impossible que quelqu'un entende sans audition, ni le voit sans vue. Mais nous ne pouvons faire le tekfir des Mu'tazila tant que ceux-ci admettent qu'Allah entend, et voit, et sait, et est capable de toutes choses, parle, etc. C'est pour ça qu'on dit, la thèse des Mu'tazila implique de dire qu'Allah n'entend pas, ne voit pas, etc. Mais tant qu'ils n'y adhèrent pas clairement, ils ne seront pas mécréants jusqu'à ce que la preuve leur soit établie. Al-Qadi Ayyad a dit, quant à ceux qui affirment le nom en contestant l'attribut, et dit « Je dis qu'il sait, mais il n'a pas de savoir. Il parle, mais n'a pas de parole. » Et ainsi de suite pour tous les attributs d'Allah, comme dans la doctrine des Mu'tazila. Celui qui leur attribue la conséquence de cette doctrine les bannira de l'islam. Car lorsqu'on conteste le savoir et en implique de contester le nom de savant, car le seul qu'on puisse nommer savant, c'est celui qui a un savoir. C'est comme s'ils se rendaient compte de la conséquence de leur doctrine, c'est pourquoi ils affirment qu'en même temps qu'Allah est savant. Et il en est de même pour tous les hérétiques, anthropomorphistes et qadarites. Par contre, celui qui ne leur attribue pas la conséquence de leur doctrine et ne les punit pas en conséquence, et ne leur impose pas la conséquence de leur doctrine, il ne les bannira pas de l'islam. Car il dira que s'ils s'arrêtent là-dessus et disent « Nous ne disons pas qu'il n'est pas savant, nous n'adoptons pas la conséquence que vous voulez nous forcer d'adopter. Et nous sommes d'accord avec vous que cette conséquence est une créance. Et nous affirmons que notre doctrine n'implique pas ce que vous dites sur base de nos principes. » Et c'est sur ces deux avis qu'ont divergé les gens sur la question de bannir les hérétiques de l'islam. Lorsque tu l'auras compris, tu comprendras alors la raison qui mènera à cette divergence. Et le plus juste est de laisser leur bannissement de l'islam et renoncer, de leur affirmer le verdict de perdition et leur appliquer les statuts du musulman. Autre exemple. Les Ash'ari'ra disent que la foi signifie uniquement admettre la vérité. Toute personne qui admet est donc un croyant méritant le paradis. La conséquence de leur définition de la foi est que Satan est croyant, qui mérite le paradis, car il admet la vérité et ne dément pas Allah. Cela dit, aucun Ash'ari ne prétend que Satan est un croyant, qui mérite le paradis. Mais au contraire, ils affirment bel et bien que Satan est un mécréant qui sera éternellement en enfer. Il y a donc contradiction entre leur doctrine et la conséquence de leur doctrine. Ceci est une preuve catégorique que leur doctrine est décadente et fausse, car lorsqu'une doctrine est en contradiction avec sa conséquence, cela prouve sa fausseté. Mais il n'est pas permis d'attribuer à leur doctrine la conséquence de leur doctrine, et encore moins de les juger mécréants sur base de cette conséquence, sauf s'ils adoptent cette conséquence. C'est-à-dire sauf s'ils acceptent de dire que Satan est un croyant qui mérite le paradis. Dès lors, ils seront apostats à l'unanimité des musulmans pour avoir démenti une chose tellement élémentaire que même les juifs et les chrétiens l'attestent. Exemple dans l'acte. Lors d'une guerre, informer les ennemis de la venue de l'armée musulmane a pour conséquence de donner aux mécréants l'occasion de se préparer à l'attaque, ce qui serait une aide envers eux. Mais le simple avertissement en soi n'est pas une aide, et donc n'est pas une cause d'apostasie nette et précise, mais plutôt un acte confus dont la conséquence peut être une mécréance. C'est pour cette raison que Hatib ibn Balta ne devint pas mécréant lorsqu'il voulut avertir les idolâtres de la venue des musulmans, cherchant par là un moyen d'avertir ses proches afin que ses biens soient protégés. Et son acte n'était pas en lui-même un soutien des mécréants. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, envoya avec Zubayr et nous dit, « Partez jusqu'à ce que vous trouviez une femme. Elle emmène avec elle une lettre. Emparez-vous-en. » Alors nous partîmes jusqu'à ce que nous la trouvâmes. Nous lui dîmes, « Donne-nous la lettre. » Elle dit, « Je n'ai aucune lettre. » Nous dîmes alors, « Tu vas nous donner cette lettre ou nous arracherons ton vêtement ?» Elle nous donna alors la lettre et nous la prîmes alors et la portâmes au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dedans, il y avait écrit de la part de Hatib ibn Abi Balta à l'attention des idolâtres de la Mecque. Puis il les informait de certaines choses au sujet du messager qu'Allah le bénisse et le salue. Alors le messager qu'Allah le bénisse et le salue dit « Qu'est-ce que c'est que cela, Hatib ?» Il répondit « Attends que je t'explique, ô messager. » J'étais quelqu'un d'attaché à Quraysh, mais je n'étais pas des leurs. Les émigrés qui sont venus avec toi avaient des proches là-bas qui protègent leur famille à la Mecque. Alors j'ai voulu aussi avoir quelqu'un qui puisse protéger mes proches. Je n'ai pas fait cela par mécréance de ta religion, ni par satisfaction de la mécréance après l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, il vous a dit la vérité. Alors Omar dit, laisse-moi trancher la tête de cet hypocrite. Et dans une version, il a mécru. Alors le messager d'Allah dit, il a assisté à la bataille de Badr, et qu'en sais-tu si Allah ne s'est pas penché sur les gens de Badr et leur a dit « Faites ce que vous voulez, je vous ai pardonné » rapporté par Bukhari Muslim et d'autres. Et dans une version d'Ahmed et Abu Ya'la rapportent que Hatib a dit « Je ne l'ai pas fait par traîtrise ni hypocrisie envers le messager d'Allah, et je savais qu'Allah allait donner la victoire à son messager et accomplir sa lumière. » L'analyse du hadith. Hatib était persuadé que la victoire était d'avance accordée aux musulmans, et donc que son avertissement n'aurait aucun effet sur la victoire des musulmans. La conséquence de son acte était une aide pour les mécréants contre les musulmans, et ceci est une mécréance. Hatib n'est pourtant pas devenu mécréant pour cela, car on ne devient mécréant pour la conséquence de ses actes, mais bien pour ses actes en soi.